Lettre 11e, suite de la lettre d'Evelina, mardi matin, 5 avril. J'ai bien des choses à vous dire, et je passerai la matinée à vous écrire. Je m'étais proposé, à la vérité, d'employer mes soirées à vous rendre compte des aventures du jour. Mais cet arrangement devient impossible. Les divertissements de cette capitale sont poussés si avant dans la nuit que si je voulais m'occuper encore après le souper, il me faudrait renoncer entièrement au sommeil. Nous avons passé hier une soirée des plus extraordinaires. Comme nous étions invités à ce qu'on appelle ici un bal privé, je comptais n'y trouver qu'une douzaine de personnes. Au lieu de cela, je suis tombé au milieu d'un demi-monde. Imaginez-vous deux grandes salles, remplies autant qu'elles pouvaient l'être. Dans l'une, on avait dressé des tables à jeu pour les femmes mariées, l'autre était pour la danse. Ma mère, car Madame Mirvan me nomme toujours sa fille, nous dit qu'elle resterait avec Marie et moi, jusqu'à ce que nous fussions pourvus de danseurs et qu'ensuite elle irait faire sa partie. Les hommes passaient et repassaient devant nous, semblaient se dire qu'ils étaient sûrs de nous, comme si nous n'étions là que pour attendre l'honneur de leurs ordres. Ces messieurs se promenaient d'un air distrait et nonchalant, vraisemblablement pour nous tenir en suspens. Miss Mirvan et moi, nous ne fûmes pas les seuls qui eûmes à nous plaindre. Aucune des femmes ne fut mieux traitée. J'étais piqué au point que je résolus de me passer de la danse, plutôt que de supporter de telle manière, et d'accepter le bras du premier venu qui daignerait me l'offrir. Un jeune homme qui nous avait déjà fixé depuis quelque temps assez cavalièrement s'avança vers moi sur la pointe des pieds. Un petit sourire de commande et un ajustement de fat indiquaient assez qu'il cherchait à s'attirer les yeux de l'assemblée, quelque laid qu'il fût d'ailleurs. Il se prosterna jusqu'à terre et en me présentant la main avec un geste infiniment étudié, il me dit d'un ton de voix fort niais « Est-il permis, madame ?» Puis il se tut un moment et se mit en devoir de prendre mon bras. Je le retirai et j'eus de la peine à m'empêcher de lui rire au nez. « Vous voudrez bien, madame ?» continua-t-il en affectant de s'interrompre à tout moment, « m'accorder l'honneur et l'avantage, si je n'ai pas le malheur d'arriver trop tard, pour vous demander l'honneur et l'avantage. » Et il voulut, de nouveau, s'emparer de ma main. Je baissai la tête, je le priai de m'excuser, et je me tournai vers Miss Mirvan, car je riais tout de bon. Il me demanda alors si quelqu'un plus fortuné que lui l'avait déjà devancé. Je lui répondis que non, et qu'apparemment je ne danserais pas du tout. Il me répliqua qu'il ne s'engagerait pas de son côté, dans l'espérance de m'avoir changé encore de résolution, et après avoir marmotté quelques propos ridicules, dans lesquels il mêla les mots de chagrin et de malheur, il se retira avec son air souriant, qu'il n'avait pas quitté un instant. Pendant ce petit dialogue, Miss Mirvan, comme nous nous le rappelâmes ensuite, s'était entretenue avec la dame du logis. Bientôt, après, un autre jeune homme, âgé d'environ 26 ans, mis avec élégance, quoique sans fatuité, et d'une très belle figure, m'accosta d'un air poli et galant, et me pria de lui faire l'honneur de lui accorder mon bras, si je n'étais pas encore engagé. Je ne vis pas trop quel pouvait être l'honneur qui lui en viendrait, mais ces sortes de phrases sont de simples façons de parler, qu'on emploie indifféremment et sans distinction de personne. Je fis la révérence et suis sûr que je rougissais. L'idée de danser en présence de tant de monde, et surtout avec un inconnu, me déconcerta. Cependant, la chose était inévitable, car j'eus beau promener mes regards dans la salle, je n'y rencontrais personne qui ne fût étranger pour moi. Je donnai donc le bras à mon cavalier et nous allâmes joindre les rangs. Les menuets étaient finis avant que nous arrivassions. Nos marchands de mode n'avaient été prêts que fort tard. Mon danseur témoigna une grande envie de lier conversation avec moi, mais je fus tellement intimidé que je pouvais à peine proférer une parole, et si je n'avais pas été honteuse de changer d'avis à chaque instant, je serais retournée à ma chaise pour ne pas danser de toute la soirée. Il fut surpris de mon embarras, qui n'était que trop visible. Je ne sais ce qu'il pensa de moi, mais il ne dit plus rien, et je ne pus pas prendre sur moi de lui avouer que mon trouble venait de ce que je n'étais pas accoutumé à danser en grande société. Sa conversation était pleine de bon sens et d'esprit, son air et son abord noble et aisé, ses manières douces, polies et engageantes, sa figure élégante et sa physionomie la plus animée et la plus expressive que j'aie jamais vue. Peu après, Miss Mirvan prit sa place à côté de nous. Elle vint me dire à l'oreille que mon cavalier était un homme de condition. Cette découverte ne servit qu'à augmenter mon désordre. « Combien il aura de regrets, me disais-je, d'avoir fait tomber son choix sur une petite campagnarde, sans usage du monde, qui craint à chaque pas de faire une incongruité. » L'idée de me voir engagé avec un homme, à tous égards si fort au-dessus de moi, m'avait déjà jeté dans la plus grande confusion, et vous pensez bien que je ne fus pas trop rassuré en entendant dire à une femme qui passa devant nous « Voilà une danse des plus difficiles. » « Oh, dans ce cas, dit Marie à son danseur, je vous demande la permission de ne pas en être et d'attendre la suivante. » « J'en ferai autant, ajoutai-je, car également je ne m'en tirerai pas. » Marie me répondit qu'il fallait en prévenir mon cavalier, qui s'était détourné pour parler à quelqu'un. Je n'eus pas le courage de lui adresser la parole, et nous nous glissâmes tous trois hors des rangs pour nous asseoir au bout de la salle. Malheureusement pour moi, Miss Mirban se laissa entraîner de nouveau dans la danse, et au moment où elle se leva, elle s'écria « Ma chère, je vois là-bas votre cavalier, le Lord d'Orville, qui court la salle pour vous chercher. » Je la suppliai de ne pas m'abandonner, mais elle le devait. J'étais plus mal à mon aise que jamais. J'eusse donné tout au monde pour trouver Madame Mirban et pour la priver de me justifier dans l'esprit du Lord. Car que pouvais-je alléguer pour excuser mon impolitesse? Il devait me prendre pour une imbécile ou pour une folle. Quelqu'un qui connaît le monde et ses usages ne peut se faire une idée du trouble dont j'étais agité. J'étais dans la plus grande confusion. J'observais qu'il me cherchait partout d'un air embarrassé. Mais quand je vis à la fin qu'il s'avançait vers l'endroit où j'étais, je pensais tomber à la renverse. Je ne me sentais pas en état de l'attendre, car je ne savais que lui dire. Je me levai donc et me précipitai dans la salle du jeu, bien résolu de passer le reste de la soirée à côté de Madame Mirban et de ne pas danser du tout. Mais avant que de la découvrir, Mylord d'Orville me rejoignit. Il s'informa si j'étais incommodé. Vous vous imaginez sans doute, monsieur, combien je fus déconcerté. Au lieu de répondre, je baissai sottement la tête et je fixai mon éventail. Il me demanda d'un ton grave et respectueux s'il avait eu le malheur de me déplaire. « Non, certes, » répliquai-je. Et pour changer de conversation et prévenir de nouvelles questions, je le priai de me dire s'il n'avait pas vu la jeune dame avec laquelle j'avais parlé tantôt. « Non, mais ordonnez-vous que j'aille la chercher ?»« Point du tout. » « Y a-t-il quelqu'un d'autre à qui vous souhaiteriez de parler ?» Je lui dis que non, avant que de savoir que je répondais. « Aurais-je l'avantage de vous offrir quelques rafraîchissements ?» Je fis une inclination de tête sans le vouloir et il partit comme un éclair. Je commençai à me fâcher contre moi-même, et je me remis assez pour m'apercevoir de la ridicule figure que je faisais. Mais j'étais trop hors de moi pour penser ou pour agir convenablement. Si le Lord n'avait été de retour dans un clin d'œil, je me serais peut-être échappé une seconde fois. Il m'apporta un verre de limonade. Dès que je l'eus pris, il me dit qu'il se flattait que je lui accorderais l'honneur de ma main pour la danse qu'on venait de commencer. Le souvenir de la conduite puérile que j'avais tenue auparavant fit renaître mes craintes plus que jamais. Je tremblais de danser devant tout ce monde, et avec un homme de ce rang. Je crois qu'il remarqua mon embarras car il me supplia de reprendre ma place si la danse ne m'amusait pas. Je n'eus garde d'accepter la proposition car je n'avais déjà fait que trop de sottises. À peine cependant pouvais-je me soutenir sur mes jambes. Préparé de la sorte, il est aisé de s'imaginer que je me tirais très mal d'affaire. Je m'attendais à voir le Lord outré de la mauvaise étoile qu'il avait guidée dans son choix, mais, à ma grande consolation, il parut assez content. Il m'avait aidé et encouragé de son mieux. Ces gens du monde ont trop de présence d'esprit pour découvrir jamais leurs troubles et leurs mauvaises humeurs. Quand même, ils en auraient le cœur navré. Eussé-je été la première personne de l'assemblée, ils n'auraient pu me traiter avec plus d'égard et de politesse. Je ne parvins point à me remettre, pas même après la danse. Mon cavalier me présenta un siège en me disant qu'il ne souffrirait point que je me fatiguasse par complaisance. Avec un peu plus d'habileté, ou seulement avec un peu plus de courage, j'aurais pu lier une conversation très intéressante. Je vis alors que la naissance de Lord d'Orville était son moindre mérite, et qu'il se distinguait bien plus par son esprit et ses manières. Rien de plus juste et de plus piquant que ces remarques sur l'ensemble de notre société. Je ne conçois pas comment je pus rester aussi indifférente, mais je me rappelais toujours le misérable rôle que j'avais joué en présence d'un observateur si délicat. Et ce qui m'empêcha de goûter ses plaisanteries, c'est ce qui excita ma compassion pour d'autres. Cependant, je n'avais pas le courage ni de prendre leur défense, ni de railler à mon tour. Je me bornais à écouter dans un profond silence. Voyant que cet entretien ne faisait pas fortune, il se mit à parler des assemblées publiques, des concerts, mais il ne tarda pas à s'apercevoir que je n'en avais aucune idée. Enfin, il laissa tomber la conversation avec une adresse infinie sur les agréments et les occupations de la campagne. Pour le coup, je ne devais plus douter que son intention ne fût de me mettre à l'épreuve et qu'il voulait essayer s'il n'y avait aucun moyen de me faire parler. Cette réflexion mit de nouveau mon esprit à la gêne. J'en demeurai aux monosyllabes et encore tâchais-je de les éviter tant que je pouvais. Mylord Orville continuait à donner cours à sa belle humeur, et moi je tenais toujours la tête sautement baissée. Au moment où que j'y pensais le moins, ce même Fat qui m'avait demandé précédemment s'approcha avec un air d'importance ridicule, et après deux ou trois grandes révérences, il dit « Je vous demande pardon, madame, et à vous aussi, Mylord, de ce que j'interrompe un entretien aussi agréable, qui sans doute vous amuse davantage que les offres que j'eus l'honneur de vous faire tantôt, mais... » Je partis à ce mot d'un grand éclat de rire. Je rougis de ma sottise, mais je ne pus m'en empêcher. Figurez-vous d'un côté ce petit maître avec son air présomptueux, une tabatière à la main, de l'autre, la physionomie de Mylord Orville où se peignait la plus extrême surprise, et je vous demande s'il y avait moyen de tenir son sérieux. Je riais pour la première fois depuis que Miss Mirvan m'avait quitté, et pendant tout ce temps j'avais été plus disposé à pleurer qu'à rire. Mylord Orville me regarda avec attention. Le petit maître, dont j'ignore le nom, était furieux. Il me dit d'un air de suffisance « Arrêtez, madame, je vous prie. Seulement un instant, je n'ai qu'un mot à vous dire. » M'est-il permis de savoir par quel accident j'étais privé de l'honneur de danser avec vous ? Par quel accident ? Repris-je, très étonné. Oui, madame, sans contredit, et je prendrai la liberté de vous faire remarquer qu'il n'y a qu'un accident très peu ordinaire qui puisse engager une demoiselle de votre âge à commettre une impolitesse. Une idée confuse me passe alors par la tête que je pouvais avoir manqué à quelque usage reçu dans les grandes assemblées. Je me rappelais, en effet, d'avoir entendu autrefois qu'après avoir refusé un cavalier, il n'en fallait plus accepter. Étourdi que j'étais, je l'avais oublié. Je demeurais interdite, et tandis que cette idée me poursuivait, Mylord Orville répondit avec chaleur. « Monsieur, cette dame n'est pas capable de mériter un tel reproche. » Cet homme insupportable, car en vérité je suis très en colère contre lui, fit une profonde révérence. Et avec un sourire grimacier des plus choquants, il répondit « Mylord, loin de faire un reproche à madame, j'ai assez de discernement pour reconnaître le mérite supérieur qui vous a valu la préférence. » Il fit une seconde révérence et s'en alla. Y eut-il jamais quelque chose d'aussi insolent ? Je mourais de honte. « Le fat !» s'écria Mylord Orville. Et moi, sans savoir ce que je faisais, je me levais de ma chaise fort à la hâte, et en m'en allant, je disais « Où donc peut-être, madame Mirvan ? On ne la voit plus. »« Permettez, » dit Mylord, « que j'aille m'en informer. » Je repris ma chaise, n'osant lever les yeux. Que devait-il penser de moi, de toutes mes bévues, de cette préférence supposée ? Il revint dans un moment et me rapporta que madame Mirvan était au jeu, mais qu'elle serait charmée de me voir. J'y allais incessamment. Je pris le seul siège qui était vacant et Mylord Orville nous quitta à ma grande satisfaction. Je racontai mes désastres à madame Mirvan. Elle eut la bonté de se faire des reproches de ne m'avoir pas mieux instruite. Mais elle m'avait cru au fait de ses petits usages. Quoi qu'il en soit, il est à croire que notre homme s'en tiendra à sa belle harangue sans pousser son ressentiment plus loin. Mylord Orville ne fut pas longtemps absent. Il m'invita de retourner à la danse. J'y consentis de la meilleure grâce qu'il me fut possible. J'avais eu le temps de m'en remettre, et j'avais résolu de faire un effort pour réparer, s'il y avait moyen, mes premières sottises. Et quoique je fusse déplacé avec un homme du rang et de la figure de Mylord Orville, j'aurais désiré ne pas lui faire de honte puisqu'il avait le malheur de me choisir. Il parla peu et la danse fut bientôt finie. Je n'avais donc pas eu l'occasion de remplir mon intention. Je pensais d'abord que les peines inutiles qu'il avait prises auparavant pouvaient l'avoir dégoûté. Puis l'idée me vint que peut-être il aurait appris qui j'étais. Nouveau trouble de ma part, et au lieu de faire parade de mon esprit, comme je me l'étais proposé, je retombais dans mon ancien état de stupidité. Ennuyé, honteux et mortifié, je demeurais tranquille jusqu'à ce que nous nous retirâmes, ce qui heureusement arriva bientôt. Lord Orville me fit l'honneur de me présenter la main pour me conduire au carrosse, et chemin faisant, il me remercia de l'honneur que je lui faisais. Oh, ces gens à la mode! Que direz-vous, mon cher monsieur, de cette soirée? N'est-elle pas en effet des plus extraordinaires? Je n'ai pu vous épargner ces détails qui sont tous fort neufs pour moi, mais il est temps de finir. Je suis avec un attachement respectueux, etc. Evelina.